être à Turc. J'aimerais sortir de moi-même, franchir le cap où il me sera permis de croire que le possible a une couleur invisible et paisible. C'est sans doute rêver d'être sur la possible berge de solitude divine. Je suis un petit souffle parmi cette respiration mystique. Je suis né sur la rive de nomades, marchant à la recherche d'espace où le lichen pousse tendrement. J'écris pour que tu lises un jour ces mots, tout droit sortis de mon esprit, un peu confus aujourd'hui, ma main posée sur mon cœur de famino. Chaque mot est comme la neige qui se repose sur ma terre nomadeste. Ne crains rien, je puise quelque part ces idées, ces pensées, ces mots, tout simplement là d'où je viens, pas ailleurs certainement, et là-bas où je rêve d'être libre en ce moment d'écriture. Je pense souvent à la connexion avec l'écriture, ce lien charnel, car il existe pour moi, ce lien à la terre. Quand j'écris, j'ai une impression. Je me pose dans un lieu où je dors pour écrire. C'est comme reposer sur des pages entières d'existence ne m'appartenant pas. Je voudrais tellement que les hommes arrêtent de blesser la terre que parfois la souffrance m'accompagne, une souffrance apprivoisée avec le temps. Je voudrais être vieille et avoir voyagé sur des terres de plénitude, comme la toundra, la plaine, la montagne, la rivière et tous ces petits sentiers où j'ai marché pour être à Turc. Quand je me penche pour me nourrir de la terre, je me tiens toujours droite, le regard levé vers le ciel. Je disparais pour la nuit et j'enlace les étoiles. As-tu déjà vu une nuit enrobée d'étoiles et surtout des aurores boréales qui t'enchantent? Tu sais, un hiver silencieux où la fraîcheur de ton souffle prend toute la place du monde. Je marche encore, tu sais, à travers les lunes nordiques et les espaces colorés de lichen. Être moi-même avec l'écriture, c'est passer au travers des gens en leur montrant un signe de respect.